Le rassemblement consacré au 30e anniversaire de la fondation de la direction de l'informatique de Pyongyang s'est déroulé le 14 juillet en présence de Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et du personnel de la direction. Le vice-président a lu la lettre de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressée aux hommes scientifiques, techniciens, cadres et autres travailleurs de la direction. La lettre indique: pendant 30 ans depuis sa fondation, le 15 juillet de l'an 75 du Juche 1986, la direction est devenue un centre d'études et de développement de l'informatique digne de confiance qui possède des hommes compétents pleins d'avenir et les équipements d'études modernes et qui intègre les recherches scientifiques et la production, et elle a contribué à l'informatisation de l'économie nationale sous la direction lucide du parti et du leader.